On part en Gaume rencontrer Christine et on parle d'électro-hypersensible. C'est tellement chouette. C'est tellement bien, quoi, quand on prend vraiment le temps de développer les idées, de développer tout ça, de comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi. Voilà. Et avant, j'avais envie de vous faire écouter la télévision Œil de demain. Ça date de 1947. Et c'est Raymond Millet. C'est un extrait que j'ai trouvé sur le net qui parle de ça, de la télévision Œil de demain. Et ça a inspiré d'un essai de Barjavel. Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode, ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mot croisé. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton. Il était devant elle, elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre. Heureux de se sentir ému, ému de se sentir heureux. La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobile et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leurs sourires et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens, ou dis, maman, c'est à ce parti-là que je vais adhérer. Actuellement, nous sommes empoisonnés par les gens qui laissent crier leur TSF, qui nous réveillent avec des marches héroïques. Ou qui, tandis que nous travaillons, nous assomment avec des comptes-rendus sportifs. Qui le passe à Fernand, qui le passe à Isidore, qui le passe à Jules, qui le passe à Alfred. L'arrière-gauche s'approche de l'avant-droit et lui décoche sur la poitrine un uppercut magistral. L'arbitre compte jusqu'à 8. À 11, le Belge Mannequin Peace remonte sur sa bicyclette. Mais que sera-ce demain avec la télévision ? Il y aura, comme aujourd'hui, des gens mal éduqués. Mais cette fois, ils laisseront crier les images. Un tour de bouton de trop, un caprice de l'appareil, et l'image traversera les murs, ira se promener chez le voisin. Qu'as-tu, chérie ? Regarde. On trouvera un match de boxe dans la soupière. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Micro ouvert. La grande mise en scène ici. Ouais. Bonjour, Christine, c'est bien ça. Ouais. On va prendre le temps de se rencontrer. On est à Tintigny, C'est où sur la carte du monde, ça? En fait, la meilleure référence, c'est Orval. Voilà, Orval. Là. On dit un Orval ou des Orvaux? Je ne sais pas. Toujours pas. Non, vous n'avez pas planché là-dessus, vous qui. On est des Gaumais ou des Gaumois, je ne sais plus. On est en plein Gaume. Mais tu débarques, quoi. Ça fait combien de temps que tu as trouvé ici cet endroit? Ici, en fait, la première fois que je suis venue ici, c'était au mois de novembre. Novembre 2021. C'est cela. Ça va faire un an. Oui. Mais j'étais pas encore ici hein, à cette époque-là. À ce moment-là, je m'étais réfugiée dans la région de Namur, en fait. Parce que donc, j'ai dû m'enfuir de chez moi. Et c'était où chez toi? Donc j'étais à Laeken. Bruxelles? À Bruxelles. La ville, quoi? La ville, oui. J'ai habité pendant super longtemps à Bruxelles. T'es née là? Non. Je suis née à la côte. Et puis j'ai bougé petit à petit. Bon, là, je bouge encore bien plus vers l'est. Donc, je ne sais pas où ça va finir, mais... Donc, l'idée au départ, c'était vraiment rejoindre la grande ville, quoi. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe aussi, hein. On pourrait dire ça, voilà. Mais bah, j'avais ma vie à Bruxelles. Je suis comédienne. Hein. Donc, j'avais mon boulot là-bas, tous mes potes, ma grande famille, ma grande tribu de potes. Et j'étais d'ailleurs très, très, très active dans le monde des activistes. Moi, je t'ai déjà croisée dans des manifs, des choses comme ça. Hein. Oh, et engagée aussi, un peu, un peu beaucoup. Un peu beaucoup, on pourrait dire. T'as fait des films T'étais TTIP ou rien à voir? Si. J'ai fait un film sur le CETA, CETA, TTIP. Dis pour les gens qui ne connaissent pas, qui ça veut dire le CETA et le TTIP, en un mot. Donc c'est les... Non, sinon on parle entre soi, quoi, tu vois ce que je veux dire? C'est pour les gens qui ne connaissent pas. Donc c'est les traités de libre-échange, donc le CETA, le traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe, les TTIP entre l'Europe et les États-Unis. Mais donc celui-là a capoté un peu, mais au final, donc, ils n'en avaient pas besoin parce qu'ils peuvent passer par le CETA. Au final, ils n'avaient pas besoin de ces traités. Oui, c'est ça, parce que bon, c'est toute une histoire qu'on ne va pas raconter maintenant, mais le libre-échange, en fait, ça permet aux multinationales de s'enrichir, en gros. Oui, mais c'est sûr qu'on ne va pas parler de ça, ce n'est pas pour ça qu'on se rencontre. On y va tout doucement, mais c'est aussi le monde dans lequel on est, c'est-à-dire que c'est le fric à tout prix, c'est justement créer des marchés de l'autre côté du monde, là. Enfin, tu vois, c'est complètement aberrant, tu vois. Et ici, maintenant, toi, Christine, on te rend compte parce que tu es électro-hypersensible. C'est quoi la différence? Parce que moi j'allais dire électro-sensible, ça tombe, je le suis moi alors. Moi je suis peut-être électro-sensible et toi t'es hyper... Exactement. Donc en fait tout le monde est électro-sensible parce qu'on a tous des protons, tous ces trucs-là. Je connais pas non plus, mais en tout cas on est énergie quoi, ça c'est sûr. Voilà. On est électrifié en quelque sorte, et donc on est tous sensibles aux ondes. Mais il y a des personnes qui ont des symptômes qui deviennent insupportables. Et donc là, on parle de l'électro-hypersensibilité. Je ne sais pas, la plupart des personnes ont bien déjà eu une fois, quand ils ont été trop devant l'ordinateur, qu'ils deviennent un peu nerveux, qu'ils commencent à avoir un peu mal à la tête, qu'ils n'arrivent plus à bien s'endormir. Bah, ça, c'est souvent en fait l'effet des ondes électromagnétiques artificielles qui pénètrent d'une manière ou d'une autre dans notre corps et qui bouleversent notre organisme. Ouais, quand tu dis artificiel, ouais, ça veut dire que nous, l'être humain produit aussi de l'énergie, quoi, mais là, c'est plus cohérent, ça se régule mieux que... C'est ça, la différence entre artificiel et quoi alors? Bon, il y a des ondes électromagnétiques naturelles qui sont les ondes de la Terre et qui sont tout ce qui est nature, etc. Et puis, il y a les ondes électromagnétiques artificielles qui sont 1 000 milliards de fois plus puissantes que les ondes naturelles. Donc, ça peut sembler énorme, mais c'est un fait. Et donc, ça n'est pas anodin. Donc, C'est important que tu dises ça. Ah oui, du coup, il y a quelque chose d'électrique au niveau de la nature, au niveau des humains, qui est là, en effet, mais c'est jamais aussi fort que artificiellement ce qu'on est occupé à mettre en place, quoi. Quand je dis « on », il faut essayer de parler juste, hein, c'est pas moi et toi qui décidons, c'est vrai, quoi. Ouais. Et donc, effectivement, on va vers un monde où il y a toujours plus de sans-fil, toujours plus, et donc ça devient à tel point grave que on vit dans un monde qui est complètement, électrifié. C'est comme des trucs invisibles, inodores, qui traversent partout. Sauf peut-être plus ou moins ici. Ici, on est dans une zone presque blanche. On appelle ça blanche. Une zone blanche, c'est une zone où il y a très peu d'ondes. Normalement, blanche, c'est où il n'y a pas d'ondes du tout. Ici, il y a un peu d'ondes, mais il y a très, très peu d'ondes. Et donc, pour moi, c'est tout à fait supportable. Il y a peu d'ondes. Quoi, tu es allé voir à la commune, tu as discuté avec les gens, parce que si ça tombe demain ou l'année prochaine, ils vont mettre des ondes, quoi. Ah ben c'est une très bonne question, effectivement. Donc ici, on est dans un habitat groupé. Donc moi, je cherchais un habitat groupé parce que je n'avais pas envie d'aller m'isoler quelque part toute seule. Et donc, quand je suis arrivée ici, premièrement, j'ai demandé au groupe, je suis électro-hypersensible, donc est-ce qu'on peut câbler tout l'Internet ici ? Et donc là, tout le monde était d'accord. Est-ce qu'on peut aussi faire en sorte que dans les communs, on n'utilise pas son GSM ? Et donc, tout le monde était d'accord aussi. Et puis, je leur ai dit, voilà, maintenant, il y a la question de l'extérieur. Donc, j'ai contacté le bourgmestre, M. Piedboeuf. Et donc, il est venu jusqu'ici. Parce que j'ai dit, voilà, venir jusque la commune, c'est un peu dur, hein, à la maison communale, parce que là aussi, il y a des ondes. Donc, ce serait beaucoup plus tranquille ici. Donc, il est venu. Et donc, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Qu'est-ce que tu as besoin ? Et j'ai dit, j'ai besoin d'une... Quoi, il tutoie et tout, il est très, très sympa. Maintenant, on se tutoie. À cette époque-là, on se tutoyait pas, mais... Non, ça fait comme s'il était très sympa. Tu le décris un peu. Oui. Ouais, il est sympa. C'est quelqu'un de très jovial, quelqu'un qui est très, très proche de ses concitoyens. D'ailleurs, de temps en temps, on le voit passer à vélo à côté. Et donc, il m'a dit, voilà, qu'est-ce que vous avez besoin ? Et donc là, j'ai dit, voilà, j'ai besoin de savoir qu'il n'y a pas de projet d'autres antennes qui vont venir ici et qu'aussi la puissance des antennes ne va pas augmenter. Parce que sinon, je devrais de nouveau déménager. Parce qu'ici, je vais vendre mon appart à Laeken et je vais acheter ici un bâtiment, une partie du bâtiment. Et voilà. Ici, à Tintigny, quoi. Ici, à Tintigny, oui, c'est ça. Et donc, si effectivement, y a une antenne qui vient dans 6 mois se placer juste en face de chez moi, je peux revendre et je peux repartir. Pour aller où ? Je n'en sais rien. Le problème reste le même, si jamais c'est le cas. Si jamais il y a des antennes qui vont se placer pas loin d'ici, tu reviens. Enfin, le problème est. Et donc, M. Piedboeuf a dit voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis, il a créé un décret communal qui dit que voilà, ils vont essayer de préserver cette zone-ci et de ne pas placer d'autres antennes et qui va tout faire pour s'opposer au fait qu'il y ait une autre antenne qui vienne s'y mettre et qu'il y ait la puissance des antennes qui augmente. Donc, c'est quand même. C'était une première en Belgique parce qu'en Belgique, il n'y a aucun endroit où il y a une zone qui est plus ou moins protégée. Ah vraiment ? Tu t'es renseigné ? Ah oui, parce que en fait, donc entre électro-hypersensibles, on est toute une communauté. Donc, en Belgique ? Oui, en Belgique, on est une communauté de francophones, une communauté de flamands, et donc on est très connectés. Essaye d'utiliser d'autres mots aussi, hein. Non, mais c'est vrai, parce que du coup, alors... non, mais c'est vrai. Tu vois, on est aussi pris dans la machine, hein. C'est ça. Mais être connecté autrement, tu oui, vois. Oui, mais tu comprends. Voilà, c'est sûr. Voilà. Et donc, on connaît un peu tout ce qui se passe autour de ce sujet-là. Et donc, effectivement, c'est une vraie première en Belgique. Et en plus, il nous a envoyé des médias pour nous interviewer. Donc, Il a fait le malin, là, quoi. Il a fait le malin pour dire, lui, bourgmestre, regardez ce qu'il fait, quoi, quelque part. Non, mais ça donne cette impression. Mais il n'était pas obligé de le faire. Non, c'est sûr. Mais tu sais, moi, je suis très méfiante des politiques, parce que limite, on te fait un décret, alors ça fait un terme un peu pompeux, comme ça. Mais demain, on pourra venir, changer ce décret. Tu vois ce que je veux dire ? Ça veut. Il n'y a jamais une certitude, c'est clair. Mais c'est déjà ça. C'est mieux ça que rien. Et je veux dire, essayons de faire confiance un minimum aux gens qu'on rencontre. Et voilà, on verra bien. Je veux dire, il ne restera peut-être pas bourgmestre tout le temps non plus. Mais au moins, nous, on a pu médiatiser cette chose-là. Et donc, revenir en arrière, ce serait déjà beaucoup plus difficile. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis revenir en arrière ? C'est-à-dire, comme ça a été médiatisé et tout, comme nous aussi, on l'a médiatisé de notre côté. Parce que c'est inscrit, quoi, c'est ça que tu veux dire. Il l'a dit, il l'a fait, quoi. Regardez, ouais. On a la preuve. C'est quelque chose comme ça. Et nous, donc, on a une initiative. Donc, on est 4 personnes électro-hypersensibles qui ont une initiative qui s'appelle « Ma vie en mode avion ». Et donc, Ma vie en mode avion, c'est une web-série sur l'électro-hypersensibilité et le danger des ondes. En fait, on a une approche assez spécifique dans le sens qu'on n'a pas envie de juste nous plaindre du fait que c'est pas cool d'être HS et qu'on souffre. Et c'est vrai qu'on souffre, mais c'est vrai que c'est pas cool. Mais on a vraiment envie aussi de faire de la prévention. On a envie d'apprendre au grand public voilà ce que c'est les ondes et quel est le danger que chacun court en quelque sorte, parce que personne n'est à l'abri. Et donc le grand message en quelque sorte, c'est de dire personne n'est à l'abri. Et l'autre grand message, c'est que voilà ce que vous pouvez déjà faire à votre niveau pour vous protéger. Et bien sûr, ce qui vient de l'extérieur, ça, on n'a pas nécessairement en main. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ce qui vient de l'extérieur ? Ça c'est plutôt... T'es d'accord qu'on marche un peu ? Oui, on peut marcher un peu. Les antennes et tout, forcément, on est... on n'a pas de prise dessus. C'est ça que tu veux dire quand tu parles de l'extérieur, ça veut dire le politique, oui, l'économique. Oui, exactement, c'est le monde politique. Parce qu'on a pu voir à partir de 2020, plus ou moins, sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si tout le monde a vu passer ça, Smart City, et votre Smart City. Confinement, là, on est en confinement. Il y avait toute cette histoire de Smart City, et au début, je me disais... De 5G aussi, surtout, moi. Il y avait une pétition qui a circulé, qui a disparu. Oui, c'est une copine à moi. C'était ma voisine, en fait. Qui a fait la pétition ? Oui, tout à fait, tout à fait. Puis elle a fait un procès et tout, qu'elle a malheureusement perdu. On va essayer de la rencontrer, parce que moi, ça m'intéresse. Je peux te donner ses coordonnées. Mais donc, c'est ça aussi, c'est que toute cette histoire d'électro-hypersensibilité, c'est mieux de le dire comme ça, électro-hypersensibilité, que électro-hypersensible, parce que, alors, électro-hypersensible, tu me dis, on discute. Parce que c'est relié à un tout, quoi. Je trouve que de dire électro-hyper... sensibilité, c'est relié à plusieurs, à un groupe, à un collectif que électro hypersensible où là ça fait plus je moi, tu vois ce que je veux dire. En même temps que le je moi souffre évidemment. Mais je crois que il faut vraiment essayer de voir ça à tous les niveaux parce que ça impacte tout le monde. Et je pense notamment aussi aux enfants, par exemple. Les écoles, aujourd'hui, on commence à faire travailler les enfants sur des tablettes, sur les ordinateurs, tout en sans fil. Et c'est grave, c'est très grave. En fait, en certain moment, j'avais rencontré une enseignante qui me disait, il y a 30 ans, si j'avais 3 enfants sur la classe qui n'arrivaient plus à se concentrer, c'était beaucoup. Aujourd'hui, si j'en ai 3 qui savent encore se concentrer, c'est beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Attends, c'est énorme ce que tu viens de dire. Tu le dis comme ça, c'est énorme. Oui. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le problème, c'est que les ondes électromagnétiques, donc ça travaille sur tout ce qui est cognitif aussi. Donc, ça fait en sorte qu'on n'arrive plus bien à se concentrer. Moi, par exemple, quand j'étais encore à la Haken, et que, au début, quand j'ai découvert que j'étais électro-hypersensible, chaque fois que mon voisin allumait sa Wi-Fi, j'étais devant mon ordinateur câblé, mais je sentais les ondes de mon voisin à côté. Tout d'un coup... Tu le sentais vraiment ? Oui. Ah, c'est incroyable, En fait, je le sentais instantanément. J'avais acheté en plus un mesureur d'ondes. Les grosses boîtes, là ? Une petite boîte qui peut donc mesurer s'il y a des ondes électromagnétiques. Et en fait, j'avais de la chance quand j'étais à la Haken. J'avais de la chance parce que j'avais un appartement qui n'était pas nécessairement très exposé, à part mon voisin d'en haut. Et quand mon voisin allumait, eh bien, tout d'un coup, il n'y avait plus rien qui allait. Qu'est-ce que j'ai ? Je me sens pas bien, ça va plus du tout. J'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à travailler, j'avais des maux de tête, etc. etc. Et donc, pour revenir aux enfants, donc ça leur enlève leur possibilité de savoir se concentrer. Et donc, ça les impacte très fort. Et donc, tout récemment, d'ailleurs, il y a eu un article de la RTBF, donc Média Mainstream, qui dit, une grosse étude a démontré que les ondes électromagnétiques peuvent provoquer un Alzheimer précoce et peuvent, chez les jeunes, être la cause d'une démence numérique. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, ça a des influences neurologiques. Oui, et c'est très rare qu'on parle de tout cet aspect-là, parce que c'est sûr que c'est On parle jamais de ça, en fait, des choses négatives, de cette société industrielle, moderne, technologisée. Tu vois ce que je veux dire? Chaque fois que tu lis des choses là-dessus, c'est chaque fois... Positif. Oui, ou alors oui, il y a une petite critique, hein, mais tu vois, mais pas vraiment très forte, quoi. Et là, ça fait du bien, en fait, d'entendre ça. Mais en fait, je ne sais pas si tu te souviens... On est des mammifères, quoi. Non, mais c'est vrai, on est des choses naturelles. C'est vraiment une drôle de manière de le dire, quoi. Mais je ne sais pas si tu es plus ou moins né au même moment que moi. Enfin, plus ou moins. Vas-y. Moi, c'est 73. J'adore cette date. Ben, moi, c'est 71. C'est la première... comment on dit ça? Avec le pétrole, là, tu vois. Le choc prix de pétrole. Oui, voilà. Alors, donc, dans les années 90, quand le GSM est arrivé, aussi quand les fours à micro-ondes sont arrivés, je ne sais pas si tu te souviens, on disait, oui, mais les ondes électromagnétiques, ce n'est pas très bien. Et puis, tout d'un coup, on a dit, non, il n'y a pas de problème. Des études ont prouvé qu'il n'y avait pas de problème. En fait, on savait déjà, dans les années 60, que les ondes électromagnétiques étaient problématiques. Donc, il y avait les gens dans l'armée qui travaillaient avec les radars. Ils avaient déjà des symptômes d'électro-hypersensibilité. On n'appelait pas ça électro-hypersensibilité, on appelait ça la maladie des radars ou la maladie des micro-ondes, je ne sais plus exactement. Mais donc, on savait que voilà, être trop exposé, ça pouvait causer des fatigues, des maux de tête, des tachycardies, des problèmes de concentration... des épuisements, etc. En parlant de... Comme ça, vous avez tous les symptômes. Il y en a encore d'autres aussi, hein, mais bon. Et pourtant, les politiques ont permis, dans les années 90, à développer, avec ces mêmes fréquences que les radars, une technologie sans fil qui a connu quand même un boom économique sans précédent, un truc de malade quand même. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Bah, écoute, je veux dire, toute l'industrie des télécoms, le sans-fil, c'est quand même, c'est un grand bazar. Ouais, tout l'électronisme, quoi, toutes les micro-puces, tout ce système-là dans lequel on est aujourd'hui. Dans les années 90-2000, on parlait du boom à la bourse des nouvelles technologies, je ne sais pas, tu te souviens? Donc oui, je veux dire, c'est un marché énorme, immense, donc il y a du fric à ne pas en finir qui va là-dedans. Donc effectivement, et donc dans les années 90, à un certain moment aux États-Unis, il y a une femme qui reçoit un GSM de son mari. Eh bien, quelques mois après, elle a un tumeur au cerveau, là où elle tenait son GSM. Son mari, elle en est morte. Son mari a tenté un procès contre l'État. Il a perdu. Et à partir dans les années 30, ça ? Dans les années 90. Ah ouais. Donc, aux États-Unis. Non, dans les années 30. On n'est pas encore. Vraiment la toute première personne qui a le micro sans fil, là, tu vois. Il y a donc les tumeurs au cerveau. Parce que donc, on sait aussi que depuis les années 90, il y a 4 fois plus de tumeurs au cerveau. Je saute un peu du coq à l'âne. Non, mais tout est cohérent. Non. Et donc, à partir de ce moment-là, les télécoms, en fait, il y avait déjà beaucoup d'études qui parlait du fait que les ondes électromagnétiques, c'est quand même pas si top que ça. En fait, les télécoms ont pris en main eux-mêmes les études sur les ondes. Évidemment, mais c'est souvent ça qui se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle d'études ou de chiffres, ça n'a aucune valeur, quoi, je trouve. Non. Mais comment faire, justement, tu vois, pour que ça ait de la valeur, tout ça, je veux dire, la santé des humains, enfin, ça, c'est comme le cancer, c'est comme la nourriture, c'est comme les pesticides, on est mal barre quand même. Hein. Oui. Donc, il y a Martin Blanc qui a écrit un livre sur les ondes. J'arrive plus à trouver le titre. Mais, c'est qui, Martin Blanc? C'est un scientifique canadien qui a écrit un livre sur les ondes. Parce qu'en même temps, c'est rigolo parce que on parle de la science, on la critique en fait parce que la science. Mais il y a des bons scientifiques pour toi. Oui, il y a des scientifiques indépendants, il y a des scientifiques qui sont liés à l'industrie. Et donc lui est un scientifique indépendant. Et donc dans son livre, il explique à quel point tous les scientifiques indépendants étaient discrédités et ne recevaient plus de sous pour faire des études par rapport aux ondes électromagnétiques. Et donc, effectivement, pendant des années, on a véhiculé le fait, en fait, les ondes électromagnétiques, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui encore, il y a Madame de Sutter, côté flamand, qui a même créé un site web pour expliquer qu'il n'y a aucun problème avec les ondes électromagnétiques. Moi, d'ailleurs, en bonne activiste, je lui ai écrit à plusieurs reprises en lui envoyant... En lui envoyant toutes les études que j'ai pu trouver, pas toutes les études parce qu'il y en a des milliers, mais quelques études extrêmement importantes qui ont été faites sur les ondes électromagnétiques. Et donc, elle a tout simplement tout balayé. Elle ne réagissait pas du tout sur toutes les études que j'ai envoyées. Et elle disait, vous savez, il n'y a pas de problème avec les ondes électromagnétiques. D'ailleurs, les normes internationales, européennes de l'ICNIRP, nous, on est largement en dessous. Donc, il faut savoir, il y a un organisme qui s'appelle l'ICNIRP. Et l'ICNIRP a donc déclaré que si on est en dessous de 41 volts par mètre, il n'y a pas de problème pour la santé. En fait, parce qu'il n'y a pas de réchauffement des tissus. En fait, si on était à 41,6 volts par mètre, une histoire... on tombe comme des mouches. Déjà, à rien que... Moi, par exemple, un GSM, c'est 3 à 4 volts par mètre quand tu téléphones. C'est quand même déjà beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Et quand tu portes ça près de ton corps pour être sur ton GSM, sur Internet, etc., je veux dire, tout ça, ça rentre dans ton ventre. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai difficile à comprendre, et que ce soit pour le sujet-là de l'électrosensibilité... hypersensibilité, ça va si je le dis comme et que ce soit pour la bouffe dégueulasse, que ce soit pour les pesticides dans les champs, je ne comprends pas. Il faudrait peut-être que j'aille faire une enquête sérieuse là-dessus, tu vois. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des gens qui sont... moi, je ne sais pas si c'est des scientifiques, là, mais tu vois, comme tu dis, indépendants, en tout cas des gens qui connaissent un peu le langage de la machine, on va dire, pour démontrer le contraire, en fait. Et c'est simple de démontrer le contraire. Il suffit de faire des études truc-muche pour montrer qu'en fait, ça ne tient pas debout. Tu comprends bien ce que je dis ? Mais il y a plein d'études qui sont faites. Il y a quelques... Pour montrer le contraire, que les ondes sont mauvaises, Il y a plein d'études, mais pourquoi c'est pas elle mis de côté. Il y a Madeleine Bastin dans les années, je sais plus, donc quelque part 90 ou quelque chose comme ça. Elle a fait une super expérience. Elle a pris des œufs fertilisés, un paquet où elle a qui était comme ça, qu'on a essayé de faire éclore, un autre paquet sur lequel on a mis un GSM. Eh bien, ceux qui étaient normal, il y a, 90% des œufs qui ont fait des petits poussins. Et de l'autre côté, il n'y en avait que 30%. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais n'importe. Et donc, ça démontrait clairement que les êtres vivants sont impactés par ces ondes qui sortent du GSM. Eh bien, cette femme a reçu des menaces de mort. Et elle ne pouvait pas émettre son hypothèse. Enfin, c'est même plus hypothèse. C'est pas une hypothèse, non, en fait. C'est pas une hypothèse, c'était carrément une étude. Donc, les lobbies des télécoms sont extrêmement forts. Et ils sont soutenus, malheureusement, par nos gouvernements. Parce que tout cela, c'est du grand fric. C'est, si nous, par exemple, en tant que Belgique, on freine, on a des sanctions de la part de l'Europe. Si on ne développe pas suffisamment rapidement... Attends, là, je me perds. Quand tu dis « nous », c'est qui le « nous » ? Donc, nous, nos pays. Je veux dire, j'avais lu un article à l'époque, donc au moment où la 5G est sortie. Donc, moi, je suis devenue électro-hypersensible en mai 2020. C'est ça, en mai 2020. Il n'y a pas longtemps. Hein. Pas si longtemps, non. Enfin, je suis devenue. J'ai découvert que les symptômes que j'avais... Ça fait du bien de découvrir ça, de se dire enfin, voilà, c'est ça mon problème. Enfin, non, mais c'est vrai aussi, parce que dans le monde dans lequel on est, tu sais... Ouais. Hein, la nourriture, on est fatigué, le stress, tu vois, il y a tout ça aussi, quoi. Donc, tu as découvert il y a 2 ans que tu étais... Que j'étais électro-hypersensible. Donc, en fait, j'étais devant mon ordinateur. En fait, moi, j'étais beaucoup sur mon ordinateur. Il faut le dire, comme j'étais dans l'activisme, j'étais tout le temps sur Facebook pour partager accro, quoi. Des articles. Accro, à vous. Faut le dire. À vous-le. J'avoue. Bah oui, on est tous un peu accros. Hein. C'est ça aussi le problème, c'est que c'est addictif. Et puis, je travaillais beaucoup. J'étais en train de travailler sur mon documentaire, sur des clips, etc. Donc, j'étais énormément connectée. J'avais du Wi-Fi chez moi parce que, bon, ça avait été... Au départ, j'avais du câble, mais puis j'avais déménagé mon ordinateur dans une autre pièce. Je me dis, comment je fais? Bon, bah, je vais mettre le Wi-Fi. Et donc, j'ai mis le Wi-Fi. Et là, j'ai commencé à avoir les premiers symptômes. J'étais souvent fatiguée, mais je me disais, bon, c'est normal, c'est la vie moderne. J'avais des problèmes de sommeil, je me disais, c'est normal, pas tout le monde a des problèmes de sommeil. Alors qu'avant, je dormais toujours super bien. Comme un bébé. Comme un bébé. Et donc, j'avais de temps en temps des petits acouphènes. Je me dis, ouais, c'est bizarre. Chaque fois que je passe en dessous d'une lampe, c'est une lampe LED. À chaque fois, j'avais un tout petit peu d'acouphènes. Pas beaucoup, mais un tout petit peu. Mais c'est seulement en 2020 que c'est devenu super fort. Et en fait, j'étais toujours avec mon ordinateur sur les genoux. Donc, ça veut dire que ton ordinateur, avec du Wi-Fi dedans, touche ton corps en direct. Et j'étais pendant des heures dessus. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis nerveuse quand je... Ah, je me sens tellement mal, je me sens pas bien. Il y a quelque chose qui va pas. J'éteignais mon ordinateur, j'éteignais mon Wi-Fi. Et ça allait mieux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, ce truc? Et j'étais en train de me battre contre la 5G, mais plutôt en tant qu'écologiste. Parce que bon, c'est l'autre aspect, c'est l'aspect écologique. Je me disais, bon, la 5G... C'est l'autre aspect écologiste, qu'est-ce que tu veux dire? L'autre aspect qui ne va pas avec la 5G, c'est et avec toutes ces technologies sans fil, c'est-à-dire c'est des milliers d'antennes, des milliers de satellites, des milliers d'objets connectés. Mais et ça ne te dérange pas, mais là c'est juste une petite parenthèse, ça ne te dérange pas d'utiliser le mot écologiste aujourd'hui avec le par exemple le parti écologiste, ce qu'ils font et tout ça, ça te dérange pas d'utiliser ce terme là? Bah écoute, il y a l'écologie et puis il y a les partis écologistes. Tu fais la différence entre les deux, quoi? Oui, je crois qu'il faut. Okay, okay. Il faut faire la différence entre les deux, parce que si effectivement un parti écologiste est pour la 5G, il est plus très écologique. c'est... Donc il y a un petit problème. Donc le terme, il est un petit peu, c'est bien de préciser ça, hein. Oui, oui, ouais. Je crois. Et ça me fait beaucoup de peine parce que j'ai toujours voté écolo. Hein. Oh, on peut pas dire ça. Mais bon, soit. Voilà. Et donc, où est-ce que j'en étais? On en était à parler que tu étais chez toi, tu as réalisé et tu te battais contre la 5G. Voilà. Et donc, voilà, j'allais au manif contre la 5G et tout. Et j'avais lu des super articles dans Bruxelles Inter Environnement. Et donc, je me suis dit... Et des super articles qui disaient quoi? De Anocio. Qui disait quoi en gros? Qui parlait des ondes électromagnétiques et du danger, qui parlait notamment de l'historique, enfin tout ce que je viens de te raconter. Et je les contacte pour leur dire, tiens, voilà, ce serait chouette que, par exemple, Bruxelles Inter-Environnement, qu'on puisse bosser ensemble éventuellement avec les mouvements anti-5G et de voir de quelle manière on peut grossir, parce qu'on n'était jamais... très nombreux, il faut le dire, quoi. Et puis, j'ai dit, à propos, j'ai un drôle de truc, j'ai l'impression que je ne supporte plus les ondes. Et puis, ils m'ont dit, écoutez, on va vous donner le numéro de téléphone de l'ARES, un organisme qui lutte pour la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité, parce que... téléphonez-les. Et donc, j'ai téléphoné, j'ai eu Colette en ligne, et elle m'a dit, écoute, je crois que tu es électro-hypersensible. Je dis, ah bon? Et c'est quoi ce truc? Elle dit voilà, il faut éteindre ton Wi-Fi, il faut essayer de ne plus téléphoner avec ton GSM, il faut vraiment te préserver, etc., etc. Et puis bon, moi je me dis ok, si ce n'est que ça, je travaillerai avec le câble et tout. Et puis un peu plus tard, en fait, je vais à une autre manif, et puis on me dit mais tu sais, l'électro-hypersensibilité, c'est un peu à vie, hein. Je dis quoi? Quoi? C'est à vie, donc ça veut dire que en fait. Il y a certaines personnes qui arrivent à se désensibiliser un peu, certains un peu plus que d'autres, en faisant super gaffe à notre santé, en faisant des cures de désintox, des choses comme ça, mais en fait, il y a très peu de gens qui arrivent vraiment à se désensibiliser, qui peuvent revivre comme avant. Et donc là, ça a quand même été un peu le ciel qui m'est tombé sur la tête, parce que tu te dis, ah bon, ok. Et puis j'ai commencé à remarquer effectivement que mon état s'aggravait. Et donc, à la fin, quand j'étais encore à Bruxelles, je devenais une zombie. J'étais ah, mais c'est le bon terme, quoi, le zombie. Non, mais c'est vrai, c'est incroyable quand tu vas, quand tu nous regardes, nous les humains, maintenant dans les villes. Ouais. T'as tout le monde qui est le dos courbé sur son écran, quoi. Non, mais c'est quand même, déjà, même si tu n'es pas hypersensible, c'est dingue comme société, non? Non. Et vraiment, là, maintenant, depuis que... Donc, moi, j'ai dû m'enfuir. Donc, 6 mois après, bon, j'ai acheté un camping-car. J'avais la chance de pouvoir acheter un camping-car, d'avoir les sous d'acheter un camping-car. Bon, c'était un camping-car à 5000 balles, hein. Mais bon, un vieux bazar de 1984, j'aime bien cette date. Mais je refais un petit pas en arrière, parce que t'as entendu ce que je viens de dire avec... là, je suis un peu... Parce que tu n'y réponds pas, mais cette société dans laquelle on est... où tout le monde est rivé sur son téléphone en ville, comme ça. Tout à fait. C'est dingue. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que... Donc, en fait, quand moi, je suis partie, donc je suis restée super longtemps dans une forêt dans la région namuroise. Et quand je suis revenue, cette année-ci, j'ai un tout petit peu désensibilisé. J'ai essayé de faire deux boulots, deux petits boulots de 3 heures. Et donc, je n'ai pas eu des symptômes très, très graves, mais c'était très inconfortable. Mais je suis rentrée de nouveau dans le monde normal. Alors, j'ai halluciné, je te jure. Mais quoi, tu veux dire que... j'ai pas bien compris. Tu veux dire que dans ta forêt, tu as quand même repris les outils numériques et tu as vu, en fait, que ça allait. C'est ça? Non, non, non. En fait, donc cette année-ci, bah, quand je suis arrivée ici, j'ai commencé... À Tintigny, j'ai commencé à pas mal désensibiliser. Et donc, au mois de juin, je me suis dit, allez... J'avais un de mes agents événementiels qui m'avait contacté. Tu veux pas faire un petit boulot, ça ne durera pas longtemps. Et j'ai dit, voilà, je vais essayer. Et donc, je suis arrivée, c'était un murder party. Enfin bon, comme je suis comédienne, c'est un truc dans l'événementiel. C'est quoi, c'est un murder party? Ouais, c'est un truc pour des entreprises, c'est un team building. Ouais. De trouver le coupable, etc. C'est un boulot que j'avais... Un jeu pour les... Voilà. Et donc, je suis arrivée dans un hôtel... Et donc là, j'ai vu que tout le monde était sur son GSM, mais tout le temps. Mais je me dis, mais j'ai plus l'habitude. Là où je vis depuis pas mal de temps, il n'y a plus personne sur son GSM. On se rencontre en vrai, on parle ensemble. Et là, en fait, tout le monde est soit en train de travailler sur son... C'est fou. Son téléphone, tout le temps. Mais tout le temps, partout où j'étais, j'essayais d'éviter tout le temps. Je m'éloignais. C'est dingue. En fait, c'est ici où on est normal. Tintigny, encore, on dit ça parce que mais les gens ne voient pas, c'est de la radio. Mais il y a votre bâtiment qui est occupé à être rénové par vous-même. Mais en face, tu vois, c'est ça qui est marrant. Ouais. C'est que tu as des maisons hyper moches, hyper modernes comme ça. Et il y a du Wi-Fi là-dedans, c'est sûr. Oui, mais... Disons que quand même, la distance, il y a un long jardin. Ouais, mais pas si éloigné que ça, hein, tu vois ce que je veux mais dire. Mais ça va. En fait, ici, on le sent un tout petit peu, quand le wifi est allumé. Mais dès qu'on quitte le chemin ici, donc il y a un petit chemin entre les deux, là, je ne sens plus rien. Et donc, c'est vraiment, il y a très très peu. Je sais qu'il y a, certaines personnes électro-hypersensibles qui ne supporteraient pas ça. J'étais en France, parce que moi, je peux encore bouger. C'est clair que si je bouge, bah après, je dois récupérer. Mais j'ai été voir en été un village d'électro-hypersensibles en France. Où ça? C'est dans le Puy-de-Dôme. Et il y a une personne, je viens d'être contactée par cette personne, et c'est une personne qui a juste envie de mourir, en fait. Cette personne est dans un tel état, elle est tellement épuisée, elle est tellement mal tout le temps, qu'elle a envie de mourir. Et donc, je lui ai dit, essaye quand même encore, oui, voilà, de te soigner d'une manière ou d'une autre. Mais donc, il y a des gens qui sont tellement mal, qui se suicident. Quoi. Mmh. Ouais, ça fait penser à Christophe Mergot, oui. Qui est breton. Oui, quelque chose comme ça, que je ne connais pas personnellement. En tout cas, qui est en Bretagne. C'est bête ce que je dis. En tout cas, ça se passe en Bretagne, surtout, c'est ça. Mais moi, j'ai rencontré je ne l'ai pas vu directement, mais dans des rencontres qui faisaient la critique de la numérisation du monde. On a beaucoup parlé de Christophe. Mmh. On ne l'a pas vu, Mais c'était vraiment une figure waouh, quoi, le bonhomme, tu vois. Il est allé péter, lui, action, quoi. Il est allé péter des compteurs Linky simplement avec des petits outils comme ça. Et bon, après, il a eu des ennuis avec la justice. Il devait faire de la prison, une énorme amende. Et je me souviens que les gens avec qui j'étais se cotisaient pour l'aider, aller le voir, le réconforter. Il s'est suicidé, quoi, voilà. Ouais, j'ai appris ça. Moi, je ne le connais pas personnellement. Moi non plus, mais... Aucun de nous ne veut absolument dire, voilà, aller péter toutes sortes de choses, aller péter des entêtes, des choses comme ça. Ah, mais moi, je trouve que c'est du concret, tu vois. Je crois que demain, mais après, on peut discuter, je crois que demain, c'est l'acte le plus intelligent, le plus simple, le plus efficace, quoi. Ben oui, parce que les politiques, l'économique, tu sais bien qu'ils n'écoutent pas ou ils font semblant. Ouais. Mais nous, on essaye d'épuiser tous les possibles moyens pour conscientiser. Maintenant, je crois que... Que tu crois que la force du nombre va changer la donne, c'est ça? Ben, en fait, moi, je crois que le problème aussi, c'est que la population n'est pas toujours très conscientisée. Et donc, nous, ce qu'on fait avec Ma vie en mode avion, c'est d'abord conscientiser la population. Parce que dans la population, il y a énormément de gens qui, si tu leur dis « écoute, t'arrêtes ton Wi-Fi », ils ne sont pas trop d'accord. Si les gens commencent véritablement à comprendre qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec le câble, la même chose, mais que ça ne va pas attaquer leur santé, ça peut commencer à changer. Parce qu'en fait, je veux dire, si on travaille avec le câble, on peut tout autant aller sur Internet si on veut. Oui, parce que vous n'êtes pas contre la... C'est ça aussi qui me perturbe, moi, parce que j'ai déjà eu l'occasion de parler un peu avec des gens électro-sensibles, c'est que vous n'êtes pas pour la démolition de ce système à outrance. Vous voulez simplement consommer autrement la technologie, quoi. Bon, ça dépend. Écoute, moi personnellement, j'ai envie de vivre dans la vraie vie, le plus possible. C'est quoi la vraie vie ? La vraie vie, c'est toi et moi, on discute en vrai et on est physiquement présents les uns avec les autres. Pour te donner un exemple, là maintenant, depuis que je suis devenue électro-hypersensible, j'aimerais bien aller voir mes parents. Mes parents habitent à Bruges. Bah, attends, c'est pas loin ça ? Si, pour moi, c'est super loin. C'est 3 heures de route. Déjà, je ne tiens pas le coup en voiture 3 heures. Si je prends le train, je vais soit je dois trouver un wagon où il y a très peu de monde dedans et que je dois leur demander d'éteindre leur GSM, ou soit je dois m'enfermer dans les toilettes. Et si j'arrive chez mes parents, où apparemment ils ont mis, j'ai l'impression qu'ils ont mis une antenne dans le lampadaire la dernière fois que j'y étais, parce que chaque fois quand je m'approche des lampadaires, avec mon mesureur d'ondes, je mesurais plus d'ondes. Donc il y a quelque chose, un engin qui émet à côté de leur maison. Donc je ne suis plus tout à fait tranquille chez eux. Et donc je ne sais pas à quel point ça va avoir augmenté. Donc pour l'instant, je n'ose pas y aller. Donc moi, j'ai envie de voir les gens en vrai. J'ai envie de quitter le plus possible mon ordinateur. Ça ne veut pas dire que je dis complètement qu'un ordinateur, c'est quelque chose de mauvais. Un outil intéressant, mais à utiliser avec modération. Et bordel, essayons de vivre vraiment dans la vie, quoi, d'être dehors, de mettre les pieds dans la terre. Mais je suis bien d'accord avec toi, mais avant aussi, je pensais comme ça, tu vois. Et puis à force de lecture, à force de recherche, à force d'aller gratter un petit peu, on se dit, mais l'ordinateur, il n'est pas neutre, quoi. Il n'est pas innocent. Un ordinateur, c'est quelque chose qui fonctionne... avec des produits, des matériaux qui sont exploités là-bas pendant que les petits noirs travaillent. Non, ça a l'air con de dire ça comme ça, mais je veux dire, si on est cohérent et si on a vraiment envie d'un monde plus juste, je veux dire, pendant que toi, tu te pianotes sur ton ordinateur, alors tu continues à laisser le monde tel qu'il est, avec des câbles tirés de fibres optiques, mais dégueulasses partout dans le monde. Non, mais tu vois... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et donc là, j'ai envie de dire, en fait, il y a un truc extrêmement contradictoire. Si on veut gagner le combat, entre parenthèses, et passer vers cet autre monde où on n'a peut-être plus d'ordinateur, à la rigueur. On n'a pas besoin. À quoi ça nous sert, au fond? On n'a pas vraiment besoin, parce qu'on passe plus notre vie devant l'ordinateur que d'être dans la vie. Donc... Mais pour en arriver là, pour pouvoir conscientiser, actuellement, je ne sais pas comment le faire autrement. Parce que déjà, moi, je ne sais plus sortir d'ici. Tu ne sais plus sortir d'ici ? Enfin, je peux encore sortir pour aller faire des courses. Mais même, enfin, si je fais des courtes courses, ça va. Mais quoi, c'est à ce point-là, Christine Quand j'étais... Donc là, je vais un tout petit peu mieux, mais quand j'étais près de Namur, j'ai eu des jours où j'allais au Brico pour acheter des choses, pour bricoler quelque chose. Et je m'étais dit, oh tiens, mais je vais prendre quelques vis des réserves. En fait, non, ça n'allait plus du tout. Je sentais que je commençais à bugger complètement. J'ai été tout de suite à la caisse. Je suis montée dans ma voiture, je suis partie. Parce que sinon, C'est quoi ? Qu'est-ce que t'appelles quand qu'est-ce que t'appelles que ça bug ? Ouais, ça c'est quoi ? En fait, c'est que moi à l'époque, j'étais à tel point gravement atteinte que je pouvais aller jusqu'à une aphasie totale. Donc, c'est-à-dire que je ne savais plus parler du tout. En fait, les premiers signes, c'était commencer à bégayer. Donc, commencer d'abord à se sentir super mal, à avoir des maux de tête, Et donc, ça pouvait aller jusqu'à donc bégayer, puis commencer à trembler, puis et tout d'un coup, ne plus savoir dire un seul mot. Donc, ne plus le cerveau qui fonctionne plus. Parce qu'en fait, avec... Et t'es consciente, quoi. T'es consciente. Ton cerveau fonctionne plus, mais t'es consciente, c'est ça aussi. Exactement. Donc, en fait, il y a une sous-vascularisation du cerveau, ce qui fait en sorte que tu n'arrives plus à trouver tes mots. Et donc, j'arrive plus à prononcer un seul mot. Et donc, le signal précurseur, c'était je commençais à bégayer. Et donc là, je commençais à me sentir super mal. Donc, c'était OK, maintenant tu pars, tu payes, tu pars. Et tu vas vite dans un endroit où ça va mieux. Parce que tu ne serais pas d'accord, tu as bien compris que moi, en fait, en me posant des questions et tout, je me dis vraiment que la société technologique à outrance dans laquelle on est, ben, ça s'est mis petit à petit en place. Hein. Je veux dire, pour qu'il y ait un ordinateur dans toutes les maisons, il a fallu créer des incitations, faire de la propagande. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas toi et moi qui l'avons décidé, tu vois. Maintenant, j'ai l'impression qu'on arrive au summum de ce monde-là, tu vois. Mais... je comprends aussi l'électro-hypersensibilité. Mais est-ce que les gens qui ne sont pas électro-hypersensibilité, c'est pas aussi des gens, je dis n'importe quoi, hein, ok, j'avoue, je dis n'importe quoi, aussi des gens qui sont à max sur leur ordi tout le temps, sur le téléphone tout le temps, tu vois, qui n'arrivent plus à mettre de limites, quoi, tu vois, parce qu'on sait déjà que ce n'est pas bon, mais si en plus, il n'y a pas de limite, mais là, on devient fou, quoi. Mais dans le Silicon Valley, où il y a tous les enfants des plus gros machins, de Apple, de Microsoft, des GAFAM et tout ça. Des GAFAM, ils sont dans des écoles où il n'y a plus d'ordinateur, où ils sont vraiment dans la vraie vie. Mmh. Et donc, eux, ils savent que c'est mauvais pour leurs gosses. Et donc, il y en a même qui font des mea culpa. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Donc oui, ce n'est pas bon. Et donc oui, il faut se désintoxifier de cette addiction. Et donc, oui, il faudra déconstruire, mais c'est la décroissance totale de la société. La crise, ce n'est pas la crise. La crise, c'est le capitalisme dans lequel on est, tu vois. C'est cette société de surconsommation. C'est cette société qui est en train de tout bousiller, de bousiller tous les êtres vivants qui sont dessus. Donc oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'ordinateur dehors. Ouais, mais c'est pas si simple que ça. Hein. C'est facile à dire, mais c'est pas si simple, quoi. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut avoir une. Allez, il faut regarder un peu les choses telles qu'elles sont aussi, aller gratter et tout. Et quoi, cet ordinateur, ok, on peut l'utiliser un petit peu. En fait, c'est bien de l'utiliser un petit peu, mais en fait, quand tu réfléchis, c'est une méga machine, en fait. C'est une industrie, tu vois. Et tu vois, aujourd'hui, je me trouve ensemble avec à peu près 5% de la population, on se trouve dans une situation où on se bat pour notre survie. Parce que si les ondes arrivent partout, nous, on ne sait plus vivre. Quand tu dis nous, c'est qui ? Donc les électro-hypersensibles. Parce qu'ici, en fait, dans ce lieu qui est occupé à se mettre en place, ouais. Vous êtes combien ? On est une 13 personnes. Pas mal, vous allez vivre à 13 ici. Ouais. Mais vous n'êtes pas tous électro-sensibles. Non, on est 3 personnes électro-hypersensibles. Okay. Et donc, si par exemple, il n'y a plus un lieu sur la Terre où il n'y a pas d'onde, la seule chose qu'on peut faire, c'est se tirer une balle dans la tête, quoi. On ne va pas se mettre dans une cave, dans une grotte, je ne sais pas quoi. Ici, il y a encore une possibilité de vie, mais là, on est dans une survie. On se bat, littéralement, pour notre vie. Donc, Et là, il y a une coccinelle sur... T'as vu, qui se pointe comme ça sur... Il y a plein de coccinelles pour l'instant. Et là, t'exagères pas en disant ça, Christine? Non, parce que je ne sais plus vivre dans les ombres. Je ne sais plus vivre du tout. Je veux dire, c'est une torture continuelle. Si je vais dans les ondes et je dois rester une journée entière dans les ondes, c'est une torture à tel point que effectivement, je veux dire, c'est invivable. Donc on se bat pour notre vie et donc notre seule piste pour pouvoir mettre au courant la population actuellement, c'est Internet. Et je sais que c'est complètement contradictoire. Non, mais ça. On utilise les outils de la machine, quoi. Comment veux-tu sinon? Mais non, on est obligé d'utiliser. Oui, moi j'ai des grandes discussions, des débats, mais fatigants. Est-ce que vous critiquez la machine? Très bien, mais vous utilisez la machine? Ben oui, on utilise la machine tant qu'elle est là, la machine. On utilise la machine. Si la machine n'était plus là, on n'aurait plus besoin de se battre. Ben voilà. Et donc, toi, avec la radio, c'est la même chose. Bien sûr. Donc voilà, c'est très contradictoire. Mon seul moyen... Je rencontrerais les gens sans le micro, tu vois, et ce serait peut-être d'autant plus... Enfin, il n'y a pas de... La seule moyen que j'ai encore actuellement pour voir mes parents, c'est via la vidéoconférence. Mes parents me disent « Oh, heureusement qu'on peut encore se voir via vidéoconférence !» Et j'ai dit « Non ! Non, pas heureusement, c'est horrible que je ne peux mais plus pourquoi vous tu le voir. Fais quand même alors? Parce que tu es quand même dans les contradictions. On est tous dans les contradictions. Parce que sinon, je n'ai plus aucun contact avec eux. Et eux ne peuvent pas venir ici? Non, parce qu'ils sont devenus trop vieux, ils ne savent plus se déplacer. Donc le seul moyen que j'ai encore de les voir, c'est par vidéoconférence. Et je trouve ça horrible quand ma mère dit « Heureusement qu'on a encore la vidéoconférence ». Oui, ou c'est comme les gens qui disent, par exemple, « Comment on faisait avant Facebook pour se parler, se rencontrer ?» Non, mais tu te rends compte? Non, mais c'est parce que notre pensée est tellement bête. Ouais. Tu vois, on... Mais enfin, depuis la nuit des temps, tu vois, les gens se parlent, se rencontrent. Enfin, c'est fou, quoi. Mais aujourd'hui, pour nous, les électro-hypersensibles, le monde extérieur est devenu... un monde ennemi, je veux dire, nocif. Elle nuit à tel point à notre santé qu'on peut pas, on peut de temps en temps faire une petite sortie et puis essayer de récupérer. C'était dur, tu vois, mais on ne sait plus sortir. Ouais, mais tu es d'accord, j'entends bien ce que tu dis, Christine, et vraiment, j'entends ce que tu dis, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même des vies qui sont plus dures que d'autres, attention là-dedans, quoi, dans le sens que... T'es quand même un peu une privilégiée, quoi. Moi, je suis... T'es pas sans ressources, t'as des gens autour de toi. Enfin, t'imagines celui qui est dans cet état-là et qui peut pas déménager. Enfin, t'imagines l'horreur? Moi, personnellement, je suis une EHS extrêmement chanceuse parce que j'avais un appartement que j'ai pu vendre et que j'ai pu acheter une autre maison ici. Je suis quelqu'un de facilement sociable, qui fait facilement des contacts, qui s'est fait accepter par un groupe, le groupe qui a bien voulu faire ça pour moi, le bourgmestre, j'ose faire des démarches. Donc oui, je suis extrêmement chanceuse parce que j'en connais qui souffrent le martyre. Et donc oui, j'ai de la chance. Mais voilà, je veux dire... Il n'y a rien à dire. Mais oui. Dans cette horreur, dans cette horrible situation, t'as pu un peu te sauver, quoi. Maintenant, on peut même dire que je suis heureuse ici, hein. Je suis très heureuse. Ah ouais? Ici, hein. Ah ben c'est énorme, ça. Ben oui, je suis très heureuse. De toute façon, je voulais changer déjà de vie, en quelque sorte. Je voulais déjà aller vers la nature, je voulais aller dans un habitat groupé. Donc pour moi, ça n'a pas tellement changé mes plans. La seule chose que je ne sais plus faire, c'est aller vers le monde extérieur. Et ça, c'est difficile. Ça représente quoi, toi, pour toi, le monde extérieur? C'est tous mes potes. Mes potes qui, oui, ils peuvent venir. Attends, mais moi, je dis pas que je ne comprends pas. Hein. C'est pour mettre des mots, c'est quoi le monde extérieur? C'est la vie, c'est l'autre, c'est... Je ne sais plus travailler, moi. Ça, c'est pas grave, ça. Je sais encore exceptionnellement faire l'un ou le truc qui se fait dans un lieu où il y a très peu d'ondes, où je peux récupérer quelques jours après, quoi. Non, sauf que ton boulot, c'est créatif et que t'aimes bien ça. Je vais créer autre chose ici, c'est pas ça. Mais voilà, c'est quand même inconcevable qu'une société puisse permettre cela, puisse exclure de la société, quand même, 5% de la population. Oh oui, mais ça, moi, ça ne m'étonne pas, hein, ils excluent. Grandissante, une population grandissante, parce qu'on voit de plus en plus de gens qui commencent à avoir des problèmes. Et beaucoup de gens ne savent pas d'où ça vient, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait Ma vie en mode avion, pour conscientiser, pour qu'il y a le nombre de personnes qui sont déjà atteintes en quelque sorte et qui ne le savent pas puissent découvrir, ah, en fait, les maux de tête que j'ai, les épuisements que j'ai, cette nervosité, le fait que je ne sais plus dormir, le fait que j'ai des tachycardies, etc. Ben, en fait, je vais une fois éteindre tout, je vais une fois aller dans la forêt, loin de tout. Est-ce que ça change quelque chose? Eh, peut-être bien. Si c'est le cas, ben, j'ai intérêt à me protéger. Et peut-être, je vais devoir déménager, peut-être. Si j'ai les moyens. Si j'ai les moyens. Tu vois, parce que c'est toujours ça aussi. Et puis, je dépendrai de la mutuelle. Et puis, voilà, je veux dire, par là, allez, il reste quelques minutes. Qu'est-ce qu'il y aurait moyen de faire pour changer la donne? Vraiment changer la donne et pas simplement... Je comprends, hein, l'idée de conscientiser. Quoi, alors, il y a de plus en plus de gens. Et quoi, tu crois alors que le système va changer sa politique parce qu'il y aura plus de gens qui sont électro... hypersensible. Écoute, la cigarette à l'époque, elle était considérée comme bonne. Hein. Et donc le jour où effectivement il y avait le jour où il y avait suffisamment de gens qui étaient malades de la cigarette, on a commencé à dire qu'elle n'était pas bonne. Quand on sera suffisamment nombreux à aller être malade des ondes et que finalement ils vont devoir avouer, oh oups, ça fait quand même du mal. À un certain moment, ils vont devoir peut-être tout arrêter au final. C'est comme ça que tu vois les choses. Oui, à un certain moment, ça va éclater. Pour moi, je veux dire... Il y a tellement des enjeux colossaux derrière tout ça. C'est comme la Smart City qui est occupée à se mettre véritablement là, maintenant, à Bruxelles, hein, avec le plan Good Move. Là, tu vois, ils sont occupés à virer les bagnoles. Alors, ça fait des bagarres avec les cyclistes, les gens qui vivent là. Et ça crée des polémiques. Alors, c'est... Mais moi, je crois que c'est un scandale sanitaire qui va éclater dans les 5 à 10 ans à venir. C'est inévitable. J'y crois à fond. Grand max, je donne encore 10 ans avant que ça n'éclate. Grand max. Parce que, il y a de plus en plus... Moi, je vois de plus en plus de gens autour. Donc, chaque fois qu'on émet, on a fait 2 épisodes et je l'ai envoyé dans mon réseau. Et j'ai à chaque fois eu des gens qui me disent « Ah oui, mais moi aussi, j'ai ces symptômes-là. » Et donc, j'ai même eu un pote qui m'a dit « Ah, mais moi, je suis à HS. » Ah, je dis « Ah bon ?» Je ne l'avais plus vu depuis quelques années. Donc, lui, sa fille, on en voit arriver, je ne vais pas dire à l'appel, mais quand même, de plus en plus. Et donc, à un certain moment, oui, quand on est quand même estimé à 5% de la population, ce n'est plus un phénomène... marginal. 5%, ça représente pour la Belgique, je sais pas moi, 700 000 personnes à peu près. C'est beaucoup, hein. Oui, mais je dis ça, je comprends, c'est ta vision, comment tu vois les choses. Mais moi, je me dis qu'il y a tellement déjà de trucs horribles qui sont là et que ça bouge pas et que ça continue, tu vois. Je te dis, hein, tous les pesticides, la bouffe dégueulasse, je ne sais pas quoi d'autre. Enfin, voilà. Et alors, on t'invente une étude qui te prouve le contraire. Et voilà, ça voilà. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, tu vois, ceux là-haut, vraiment, ils en sont arrivés vraiment à s'en foutre complètement. Et même, ce serait écrit noir sur blanc ou ce serait visible qu'en fait, on s'en fout maintenant, tu vois. C'est vraiment eux là-haut qui sont là-haut et qui veulent dominer et gérer. Et que si tu n'as pas compris ça... Casse-toi, quoi. Et je pense qu'il va falloir aller se battre parce que sinon, ça bougera pas. Tu vois, c'est un petit peu mon avis, mais en discutant, en lisant, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens là-haut, ils nous écoutent plus du tout, tu vois. T'as lu la guerre des métaux rares de Guillaume Pitron? Non, je l'ai pas lu. Ouais, c'est un journaliste du monde diplomatique. C'est la guerre des métaux rares aussi. Attends, si tu mets une antenne, tous les 500 mètres, combien est-ce qu'on n'a pas besoin de métaux rares? Et les métaux rares commencent à devenir de plus en plus rares. Donc comment ils vont mettre ça en place partout? C'est même plus ou moins irréaliste en quelque sorte. Oui, ils peuvent aller bousiller les fonds des océans, Ça, il y a quand même certains qui ont ce plan-là, d'aller bousiller les fonds des océans pour aller extraire les métaux rares, ou aller les chercher là-haut, là, dans le... sur la l'espace, lune, ouais. Dans les météorites, enfin je sais pas très bien, dans l'espace quoi. Donc il y a, c'est, mais... ou réouvrir les mines en France ou en Belgique, mais la guerre des métaux rares, c'est pas un petit bazar, hein. À un certain moment, il y aura plus rien. Et puis les générations futures, bah... Mais donc c'était la question que je te posais, tu crois que, ceux là-haut, le politique, ceux qui ont le pouvoir, ils vont écouter les électros hypersensibles? C'est ça ta vision, qu'à force qu'ils soient plus nombreux, ben à un moment donné, ça va faire explosion. Et moi, je te dis, oui, d'accord, mais le monde là-haut, il entend tellement plus qu'il n'en a plus rien à foutre et que j'ai l'impression que ce n'est pas par cette voie-là. Mais voilà, on en reste là, on termine. Les mots de la fin, même si il n'y a jamais de fin, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui vont entendre tes mots à toi? Eh bien, parlez-en. Parlez-en beaucoup, de plus en plus autour de vous. Et allez voir sur Ma vie en mode avion, donc mavieenmodeavion.com, et vous partagez nos épisodes. On va en faire beaucoup, beaucoup. Et partagez, parlez-en, essayez de conscientiser autour de vous. C'est ça le plus important, je crois. Mm. Et c'est ce qu'on peut faire à notre niveau actuellement. Merci Christine. Ouais.